ka danse an mè an mè An pa ni bon dot chwa Kèdè viv sa at kontre kè Lè ou ka denye an soleil an mè An ka bien fwe kè ou ka pran plezi Mè an pa ni bon dot chwa ankor Kèdè viv te vou e mwè ou mwè Parce qu'elle en lui tant qu'à veiller assis A son pas ni bon d'autre joie encore Qu'elle est vive de vous et moi pour nous Somebody